nuit de France Culture. Une mémoire radiophonique. Disparu en 1982, Jean Eiffel avait été pendant un demi-siècle un dessinateur de presse incontournable, comme l'ont été aussi Tim, Roland Moisan et Jacques Faisan, comme l'est devenu Plantu après eux. Penchant nettement à gauche, Jean Eiffel collabora après-guerre à tous les grands titres de la presse communiste, L'Humanité, L'Humanité dimanche, Les Lettres françaises et au magazine de la CGT, La Vie ouvrière. Mais on pouvait voir également ses dessins dans des journaux de toute obédience et de tout genre, comme Le Figaro, L'Express, Paris Presse, Ici Paris, France Soir, Elle, Modes et Travaux, Paris Match, L'Os à moelle et des dizaines d'autres. Célèbre pour sa Marianne à bonnet phrygien rouge, ses caricatures du grand Charles et la Marguerite, prénom de son épouse, très souvent présentes dans ses dessins, Jean Eiffel, c'était aussi la très populaire série La création du monde, mettant en scène Adam et Ève sous l'étroite surveillance de leur créateur. C'est la raison pour laquelle, en 1972, on trouvait les mots création du monde, nourriture terrestre, paradis, arbre et Dieu, parmi ceux auxquels lui proposait de réagir Pierre Lost dans son émission Les mots-clés. Les mots-clés avec Jean Eiffel, une émission diffusée la première fois le 5 avril 1972 sur France Culture. Eiffel, je vous remercie puisque vous voulez bien participer à cette émission des mots-clés. Vous connaissez la règle du jeu, je vais vous lancer un certain nombre de mots, un certain nombre de noms, et puis je vous demanderai ce que chacun d'eux évoque immédiatement pour vous. Est-ce que vous êtes prêt? Bah, on va voir, je sais pas. Ça dépend de ce qu'il y a dans votre trousseau, si j'ose dire. L'enfance. Ah, l'enfance. Eh bien, à la fois le bonheur et le malheur, si vous voulez. Enfin, mes meilleurs souvenirs sont sûrement des souvenirs d'enfance, mais plutôt d'un jardin, si vous voulez, de l'enfance scolaire. Puis j'ai aussi de très mauvais souvenirs, parce que j'ai eu des parents très sévères. Enfin, à la fois, c'est en tout cas tout. Je suis persuadé que tout ce que j'ai pu faire de bien ou de mauvais pendant ma vie finissante, maintenant, enfin, mon assez longue vie, était déjà inscrite dans une enfance que je considère comme terminée à 5 ans. C'est-à-dire au moment où on commence à être broyé par l'école, le lycée, les leçons, etc., enfin... Une vie bien réussie, c'est celui qui aurait réussi à réaliser tous ses rêves d'enfant jusqu'à 5 ans. Maintenant, est-ce qu'on peut en être conscient? Ça, je ne sais pas, c'est une autre question. Mais c'est sûrement une chose très importante. La poésie. Si vous voulez, j'en ai beaucoup vécu. Enfin, j'ai toujours eu sur ma table de nuit des ouvrages de poètes. Et je ne m'en lasse pas et je lis toujours les mêmes. Et j'ai malheureusement des goûts, je crois, redoutablement classiques, si j'ose dire, puisqu'il s'agit surtout des romantiques. J'ai toujours ma légende des siècles sur ma table de nuit. J'en ai usé plusieurs à force de les lire. Heureusement, la Pléiade, c'est très solide. Et puis, je veux dire, jusqu'à Éluard. C'est sûrement quelque chose qui est pour moi extrêmement précieux. La brume. La brume. Ben, c'est surtout les souvenirs de Londres. J'ai vécu un petit peu à Londres et... Enfin, il faut que je vous sorte ça comme si vous étiez un psychanalyste. Mon brume, ça évoque pour moi le pea soup, comme disent les Anglais, ce brouillard à couper au couteau, enfin, presque inconnu ici. On sortait de sa petite villa le matin et on ne voyait pas le bord du trottoir. C'est pas tout à fait la brume, ça. 17 ans. Bah, 17 ans, c'était la fin du bachot, c'est-à-dire une espèce de grande délivrance. Et puis tout de même le droit de faire presque officiellement des choses qui étaient défendues jusqu'alors, fumer, enfin pas tout à fait officiellement, mais enfin avant c'était strictement interdit et justiciable des pires punitions, et puis mon Dieu, toutes sortes d'autres choses que vous devinez, et qui sont aussi de l'ordre de l'émancipation. La broderie. Ben, la broderie, c'était, broderie passementerie, c'était le métier de mon père. Alors là, c'est un souvenir extrêmement précis, j'en ai entendu parler toute mon enfance, comme... mettons, le fils d'un avocat entendrait parler de procès, Rodri Passementry, les confrères de mon père, s'est démêlé avec M. Pillet, sa confraternité avec M. Fruchard, histoire comme ça. Ça s'appelait Pongé, je crois. Il y avait des pièces de crêpes georgettes ou crêpes de Chine sur lesquelles on reproduisait des dessins qui étaient faits, bien entendu, chez mon père par les dessinateurs et où les ouvrières, ou plus exactement les cultivatrices de la région de Lunéville, où la culture est surtout celle de la mirabelle, je crois, et celle de la pomme de terre. Quand ce n'était pas la récolte des pommes de terre ou des mirabelles, elles travaillaient depuis des années, c'était traditionnel autour de Lunéville, à la broderie, c'est-à-dire à coudre des perles, n'est-ce pas, des paillettes, sur des tissus de soie, et ensuite c'était monté, ça faisait des robes qui étaient à ce moment-là à la mode. Des robes perlées, des robes pailletées, j'ai entendu parler de ça toute mon enfance. Le Louvre. Le Louvre, c'est mon voisin d'en face, comme vous pouvez le voir, mon cher confrère. Évidemment, c'est très agréable d'avoir comme voisine d'en face la Joconde. Bien qu'on ne la voit pas. Enfin, ce qui est surtout agréable, c'est de ne pas avoir un voisin d'en face à quelques mètres de vous, qu'on voit tous les soirs refaire les mêmes gestes. Et d'ailleurs, c'est aussi pénible pour lui. Quand il me voit tous les soirs me brosser les dents, ça ne va pas l'amuser non plus. Ça doit manquer de variété. Alors, le grand avantage du Louvre, c'est d'abord qu'il est loin. Qu'entre moi et lui, si j'ose dire, il y a tout de même la Seine, les bouquinistes, des platanes, surtout ce bout-là, enfin le bout, la colonnade de Perrault, est d'une très grande beauté. Ce côté Napoléon III est tout de même pas mal, mais c'est tout de même un peu plus Napoléon III, bien sûr, un peu plus tarabiscoté. Mais en hiver, quand les arbres sont dépouillés et qu'on aperçoit la splendeur de cette colonnade, cette admirable image du grand siècle, c'est vraiment une très grande chance d'avoir trouvé une fenêtre qui donne là-dessus. Raymond Queneau. Raymond Queneau, j'aime beaucoup son œuvre. Je le connais un petit peu. J'aimerais beaucoup le connaître plus, mais il a beaucoup à faire, moi aussi. Puis il n'est pas tout à fait de ma génération. C'est sûrement un des très grands écrivains français vivants. C'est un type extrêmement drôle, qui manie admirablement la langue, qui ne déteste pas le canular. Je l'aime beaucoup. C'est surtout un ami de mon ami Salacrou. Alors Salacrou, je le vois beaucoup, je le connais depuis fort longtemps. La Bretagne. Ah, mais je commence à voir quel est votre trousseau, là. Parce que tout de même, tout tourne autour de ça. Eh bien, la Bretagne, à vrai dire, je l'ai découverte pratiquement il y a une dizaine d'années. Enfin, j'y avais bien été deux ou trois fois. Et je suis presque impardonnable parce que nous habitons à côté, nous habitons en Normandie. Nous passons la moitié de l'année en Normandie. Mais tous les ans, n'est-ce pas, on disait, on va aller explorer la Bretagne. Bien sûr, j'y ai été un peu, enfin très peu. Mais tous les ans, j'ai eu, ou nous avons eu, ma femme et moi, l'occasion de faire des grands voyages. Ou d'aller en Chine, ou d'aller à Cuba, ou de faire le tour de la Méditerranée. Alors le voyage en Bretagne, si j'ose dire, l'exploration de la Bretagne a toujours été remise. N'est-ce pas, on s'est dit, oh non, on ne va tout de même pas manquer ce voyage en Chine, ou ce voyage aux États-Unis l'année dernière. Alors donc, on a commencé à aller en Bretagne, vraiment, je crois que non, il y a 8 ans. On y était d'ailleurs, pas par hasard, mais par erreur, enfin, dans le Finistère Nord, dans le pays pagan, très précisément, qui est une enclave dans le Léon, sur le conseil d'un ami qui n'y avait pas été. C'est un voisin, un excellent peintre, un de nos voisins d'Honfleur, et nous avons dit à Roland Houdot, cette fois, nous allons en Bretagne. Peux-tu nous dire où on serait bien, enfin un pays qui, du moment que si ce pays te plaît, il y a beaucoup de chances pour qu'il nous plaise. Et à ce moment-là, Valentine Houdot est montée dans sa chambre et elle est revenue avec une adresse. Hôtel Castel-Régis, à Brignogan, Finistère Nord. Bon. Alors nous prenons notre vieille auto et au bout de 3 jours, on s'arrête partout. Puis en Bretagne, on a mis l'occasion de s'arrêter. On s'est arrêté partout en chemin. On avait des tas de copains, d'ailleurs bretons. On arrive à cet hôtel. Et on dit, on voudrait la chambre des Houdot. Bien sûr, dit la patronne, pas contrariante du tout, qui nous met dans un petit bungalow ravissant avec des tamaris, avec une vue sur le crapaud de granit, justement. Et puis, on a été tellement séduits par la beauté du pays, les gens, que, bien sûr, on y est revenu tous les ans, et nous allons y retourner, ça fait 8 ans. Bon. Et quand on est revenu, nous avons dit à Houdot, or, qu'on est bien dans votre chambre. Ils nous ont dit, mais on n'y a jamais été. Alors, c'était en fin de compte le marchand de tableaux d'Houdot qui avait donné l'adresse, etc. C'est l'histoire de l'homme qui a vu l'ours. La Fontaine. Fabuliste. C'est ça qu'il fallait dire. Ah ben ça aussi, c'est un de mes poètes préférés. Et j'ai illustré La Fontaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez. Peu de gens le savent parce que ça a été tiré à 500 exemplaires. Alors, il y en a très peu qui le savent. 555, je crois. En face de mon nom, dans le petit Larousse, ils ont reproduit. Ça vaut mieux, d'ailleurs, que la gueule de monsieur Untel ou monsieur Untel, président de la République ou ministre, la cigale et la fourmi. Le tiercé. Eh bien, si, ça me donne un souvenir très précis. C'est que je ne savais pas du tout ce que c'était, et ma secrétaire, ça se passait, la scène se passait à Trouville, on porte le courrier le soir, d'Honfleur à Trouville. Ma femme fait ses courses, et ma secrétaire, qui est villervilloise, fait aussi ses courses. Et on se réunit dans un café qui est très charmant, qui s'appelle Les Vapeurs. Et dans ce café, je vois ma secrétaire penchée sur la presse et la lisant avec beaucoup plus d'attention qu'elle ne le fait d'habitude. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je fais mon tiercé. À vrai dire, je ne savais pas ce que c'était. Et alors je dis, comment est-ce qu'on fait? Alors elle me dit, bah, c'est très simple, vous mettez trois croix comme ça. Et je dis, ça coûte combien? Mais 3 francs. Bon. Alors, je lui donne, je dis, pourquoi pas? Je lui donne 3 francs et le soir, je me sens des douleurs au cœur et j'ai un début d'infarctus. C'est pour dire que le souvenir m'est extrêmement présent. En fait, c'était pas très grave. Tout de même, on me couche, le cardiologue vient. Et en même temps que le cardiologue, on reçoit un coup de téléphone de ma secrétaire qui me dit, qu'est-ce que je fais? Qui dit à ma femme, parce que moi, j'ai pas le droit de bouger, qu'est-ce que je fais avec les 272 000 francs, lesquels, dit ma femme, mais ceux que votre mari a gagné au tiercé. Donc, les 3 premiers francs m'ont rapporté un infarctus, qui a d'ailleurs, je crois, rien à voir, pure coïncidence, et 200, je crois, 78 000 francs. Donc, si vous voulez, le tiercé, c'est en effet pour moi un souvenir extrêmement précis. Cuba. Cuba, j'y étais aussi. Avec des amis, nous avons été invités par, je crois que c'est l'association Cuba-France. Nous avons passé 15 jours merveilleux là-bas, parce que c'est vraiment le paradis terrestre. Enfin, je l'ai beaucoup dessiné, mais je ne l'avais jamais vu. Des fleurs extraordinaires, vous avez des fleurs qui sont grandes comme cette table. La végétation somptueuse des tropiques, telle que on essaie de l'imaginer quand on veut dessiner le paradis terrestre. Quand on est né dans l'île de France, évidemment, le paradis, c'est autre chose que les pâquerettes, des boutons d'or et des fleurs qu'on voit. On essaie de dessiner des fleurs extravagantes. Eh bien, ces fleurs que je dessinais depuis longtemps, en les copiant dans des dictionnaires, des orchidées incroyables, des fleurs dont je ne sais même pas le nom, je les ai vues à Cuba. Je suis habitué aux pays révolutionnaires. J'ai beaucoup été dans les pays de l'Est et tout de même, il fait toujours froid. N'est-ce pas, par exemple, les fêtes d'octobre, on fête la révolution d'octobre, et ben c'est en novembre. Et puis, quand novembre, en plus, à Moscou, il fait pas chaud. Et puis, généralement, on entend des paroles révolutionnaires, des discours dans des langues slaves. Comme je ne sais rien du tout, je fais très peu de différence entre le russe, le polonais, le bulgare. Enfin, j'ai entendu des discours dans toutes ces langues. Or là, la révolution chante en espagnol et s'est mêlée presque, je dirais, sur des rythmes de tango. Je me souviens avoir entendu alterner des paroles. Alors l'espagnol, on arrive tout de même à comprendre à peu près de quoi il s'agit, même quand on ne sait pas l'espagnol. On comprend, sinon très exactement ce qu'ils disent, mais au moins de quoi il s'agit. Et alors c'est coupé de rythmes qui sont pour nous typiquement espagnols ou américains du Sud, de rumba, de tango. Alors ça donne à la révolution quelque chose tout de même d'extrêmement familier et, pour tout dire, un peu cocasse. L'humour. Ben, l'humour, j'ai horreur de ce mot-là. Parce que, d'abord, je crois qu'il est indéfinissable. En plus, c'est le mot sous lequel sont catalogués les gens qui font mon métier, qui sont tout simplement des dessinateurs de presse. Vous avez dans la presse des gens qui font des articles, des gens qui font des dessins, des gens qui font des photos. Et les gens qui font des dessins dans la presse sont des dessinateurs de presse. Pratiquement, on dit dessinateur humoriste. Et ça veut rien dire, et c'est en plus extrêmement prétentieux. Un dessin de presse n'est pas nécessairement humoristique, et d'autant moins que l'humour est à peu près indéfinissable. L'humour est beaucoup plus proche, mettons, de la poésie que du dessin politique. Alors c'est un mot qui est très horripilant, d'autant plus que si vous dites vous êtes humoriste, alors on a tout de suite la tendance de vous dire prouvez-le. Et alors on dit quelque chose que les autres trouvent pas drôle, donc déjà vous avez fait une faillite totale comme humoriste. Tandis que si vous dites « je suis dessinateur de presse », qui peut le nier? J'ai une carte de dessinateur de presse renouvelé tous les ans, numéro 1667, mon contrôleur des contributions sait parfaitement ce que ça veut dire, je suis dessinateur de presse. Alors l'humour, donc je trouve que c'est un mot à rayer de l'emploi courant, en tout cas, c'est employé avec précaution, comme ces médicaments que les pharmaciens mettent dans une petite armoire noire, vous savez, au bout de leur boutique et où seul le patron a accès. La gloire. Mon Dieu, la gloire. Alors, qu'est-ce que ça évoque? Je ne sais pas, disons De Gaulle, Napoléon, Jules César, Victor Hugo. C'est ça que vous voulez dire? La fleur. C'est sûrement une des choses que le bon Dieu a parfaitement réussi. Il y a peu de fleurs qui ne soient pas des chefs-d'œuvre. Il y a quelques-unes qui sont un peu moins bien que les autres. C'est comme les animaux. Il y a des fleurs, je crois, qui ont la chance d'avoir un joli nom. Mais quand on y regarde de près, ils ne sont pas tellement jolis. Par exemple, mettons l'asphodèle. Bon, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'étais en Grèce et une amie qui est botaniste m'a dit « c'est ça, l'asphodèle ». Bon, c'était plutôt vilain. Le réséda. Il y a un poème très célèbre d'Aragon, « La rose et le réséda ». Bon, ça fait un très beau vert. Mais la rose est une splendeur et je dois dire que le réséda, c'est parce que le bon Dieu a réussi de mieux. Mais enfin, je crois tout de même que si j'avais autant de bons dessins que le bon Dieu a fait de belles fleurs, je serais sûrement un très très bon dessinateur. La Chine. La Chine, j'y ai passé un bon mois et demi, il y a, mon Dieu, plus de 15 ans. Enfin, je peux même dire que ça a été le seul voyage qui m'ait véritablement surpris. Parce que bien sûr, j'avais quelques notions sur la Chine, d'abord celles qui sont nécessaires pour le bachot, et puis celles que vous donne quotidiennement tout de même votre quotidien habituel, comme on dit poliment. Mais on ne peut pas s'attendre à trouver quelque chose d'aussi différent, même quand on sait que leur médecine n'est pas notre médecine, que leur pharmacie n'est pas notre pharmacie, que leur écriture n'a rien à voir avec notre écriture, puisque c'est une écriture idéographique et que la nôtre traduit des sons. L'architecture, le comportement, enfin absolument quelque chose de tout à fait différent. Et j'ai le sentiment que si des hommes débarquaient sur une planète habitée, il s'agit ni de Mars ni de Vénus, malheureusement, puisque depuis quelques semaines, on sait qu'il n'y a pas grand monde, mais s'ils trouvaient des gens comparables à nous autres, je ne pense pas qu'ils puissent être plus surpris que notre délégation, où pourtant il y avait des sinologues et des géographes, quand ils sont arrivés en Chine. C'est vraiment tout à fait extraordinaire, tout à fait différent. Et en fin de compte, quand vous croyez avoir voyagé, que vous avez été à New York, à Athènes, à Cuba, à Moscou, et que vous revenez de Chine, vous avez l'impression, puisqu'on passe par Moscou en revenant de Pékin, et qu'on y reste en attendant un autre avion, on a l'impression qu'on comprend tout. N'est-ce pas? Alors, je ne sais pas un mot de russe, mais tout de même, Franzuski délégatsi, on comprend que ça veut dire délégation française. Mais en Chine, absolument, délégation et France se disent tout autrement. Je crois que français, ça se dit fagot, par exemple. Tout de même, il faut le faire, comme on dit. La création du monde. C'est le travail de mon confrère Dieu, vous voulez dire. Alors, en effet, je crois que dans ma vie, j'ai pas eu 36 bonnes idées, mais j'en ai au moins une. C'est quand j'ai commencé à faire mon métier, à être jeune dessinateur. Et évidemment, on essaie de trouver un sujet que les autres n'ont pas abordé, n'est-ce pas? D'éviter, de copier, de plagier. Et on a toujours l'impression, comme disait le romantique, d'arriver trop tard dans un monde trop vieux. Et je crois que j'ai eu la chance, en effet, de trouver un sujet vieux comme le monde, mais auquel les dessinateurs de presse n'avaient pas pensé, c'est la création du monde. Les dessinateurs de plafond y avaient pensé, puisque Michel-Ange a fait les plafonds de la Chapelle Sixtine sur ce sujet. Mais c'est évidemment un confrère qui dépasse largement le standing des dessinateurs de presse. Alors, je crois que ça a été une bonne idée, parce qu'en fin de compte, c'est pas du tout de la création qu'il s'agit, mais des choses elles-mêmes, et que ce qui n'est après tout pas beaucoup plus qu'un sujet d'un sketch. Par exemple, je peux faire un dessin sur la rose, ou sur l'hippopotame, ou sur Adam et Ève, à vrai dire c'est l'homme et la femme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pratiquement, on peut faire un dessin sur n'importe quoi, et non seulement il s'inscrit, mais il se catalogue et se classe dans ces admirables feuillets de la création du monde. N'est-ce pas? Ça va dans la première journée, dans la seconde, le livre est presque fait par cette espèce de cadre de classement magnifique qu'est la création du monde. Le premier amour. Le premier amour, puisque ma femme est là, je devrais dire que c'est elle, mais... Et d'ailleurs, en tout cas, c'est le seul qui a vraiment duré. Mais je crois que le premier, tout premier, un de vos confrères m'a posé la même question, et j'ai vraiment sérieusement cherché à y répondre, et je me rappelle l'image d'une fillette ravissante qui était à côté de moi en classe, en 9e, au lycée Carnot, et je me rappelle son nom, Christiane Maître-Pierre, je pourrais encore la décrire, sauf la couleur de ses yeux, parce que probablement j'y attachais pas d'importance, enfin je me rappelle pas. Mais elle avait d'admirables cheveux, c'était une ravissante petite fille, donc en 9e, nous avions 7 ans l'un et l'autre, donc c'était extrêmement pur. C'était même pas le vert paradis des amours enfantines. Alors, je crois vraiment que ça a été le premier amour. Cette petite fille, n'est-ce pas, que je n'ai pas revue depuis, mais dont j'ai un souvenir parfaitement exact. Je sais d'ailleurs qu'elle existe et qu'elle va très bien. Grâce à la presse, justement, j'ai reçu un petit mot extrêmement discret en disant « Christiane Maître-Pierre existe et elle se rappelle de... » En tout cas, pas de moi, probablement, mais en tout cas du professeur du lycée Carnot. Alors là, je crois que c'est quelque chose... C'est absolument sans aucun intérêt, mais c'est vrai. Les nourritures terrestres. Ben, les nourritures terrestres, vous voulez dire le livre de Gide. C'était en effet un des livres qu'on se passait presque comme si c'était une publication, si j'ose dire cochonne, sous la table, en philo, parce que l'éducation et même l'instruction étaient extrêmement strictes. On avait une bibliothèque en philo, mais il n'y avait que les livres qu'on devait lire. Par exemple, l'histoire s'arrêtait à la guerre 70. Or, on était tout de même en 1900, attendez, voyons, 8 et 15, ça fait quoi? T'avais 23. Ben voilà, on était en 23 et on n'apprenait rien après 70. Tout ça devenait de la politique, troubles, etc. Alors, de même, si vous voulez, la littérature s'arrêtait peu après cette époque-là. Alors, un ouvrage qui n'était pourtant pas jeune déjà, enfin, les nourritures terrestres de Gide, et également Poisson soluble, je me rappelle. Et le manifeste du surréalisme, enfin les premiers ouvrages d'Arago, Le paysan de Paris. Alors, mes camarades qui avaient de l'argent de poche, ce qui n'était pas mon cas, parce qu'on ne nous en donnait pas, il y en avait quelques-uns, il y avait, je crois, le fils du chocolat meunier qui avait beaucoup d'argent de poche, puis quelques autres. Alors, ils achetaient des livres et on se les repassait vraiment comme on voit dans les films des portiers d'hôtels repasser des photos inavouables à les clients. On se repassait sous la table des livres qui sont tout de même des chefs-d'œuvre. La mode. Dans mes dessins, j'essaie justement de m'en passer en dessinant des gens tout nus. Alors, mettons Adam et Ève. Évidemment, si vous dessinez une dame habillée en costume de 1925, on s'aperçoit en 35 qu'elle est démodée, en 45 aussi, en 65 et en 75 aussi. Mais d'ailleurs, il ne faudrait pas croire que même quand vous dessinez un nu, il ne se démode pas. Parce que d'une façon extrêmement curieuse, on peut remarquer qu'un modèle de Durer ne ressemble pas du tout à un modèle de Léonard de Vinci, qui ne ressemble pas à un modèle d'Ingres ou de Toulouse-Lautrec ou de Mayol. Évidemment, les robes changent beaucoup plus vite que les femmes, mais les femmes ne sont absolument pas les mêmes quand il s'agit de la Renaissance, quand il s'agit du Moyen-Âge, quand il s'agit de ce qu'on appelle la Belle Époque. La femme qui est sous la mini-jupe n'est pas du tout la même que celle qui était sous les robes New Look, par exemple. Donc il ne faut absolument pas croire que parce qu'on dessine une dame sans habit, elle ne se démode pas. André Berry. C'est un poète, c'est un homme de grande culture, vous le connaissez? Oui. Bon, alors André Berry, très insolent, amateur de bon vin, bordelais. Nous sommes compagnons dans une académie de farfelus, une académie qui n'est ni jaune ni verdâtre, comme disait Claudel. C'est l'Académie Rabelais. Alors nous voyons régulièrement, nous allons dîner dans quelques jours ensemble, place Gaillon. Et mon Dieu, je l'aime beaucoup. Et quand j'ai commis ce crapaud de granit de Bavon du Goémon, je lui ai donné le manuscrit, parce que tout de même, il écrit des vers depuis fort longtemps, et que moi, j'avais abandonné ce genre quand j'avais 14 ans, je crois, pour le reprendre à 62 ans. Et il m'a signalé, très justement, des fautes de prosodie, du moins des fautes que n'aurait pas faites Victor Hugo. C'est-à-dire que Victor Hugo n'aurait pas employé tel mot de telle façon, ou ne serait pas permis tel enjambement, ou telle césure. Alors, il m'a été un guide, un mentor extrêmement précieux. Et c'est un très bon ami. Le feu. Le feu. Ah mon Dieu, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Le feu. Bah, j'aime bien ça en hiver. C'est-à-dire que, vous savez, dans ma maison d'Honfleur, nous avons côte à côte la télévision et la cheminée avec un feu de bois. Et il est bien rare que le spectacle merveilleux d'une flambée ne nous dégoûte pas très rapidement du spectacle qu'on donne à la télévision. Alors, en fin de compte, on éteint la télévision, on regarde la flambée, on pourrait croire que c'est toujours la même chose, or c'est jamais pareil, c'est pas du tout monotone. Le feu de bois, un feu de bois, je veux dire, c'est pas du tout ennuyeux, et malheureusement, il arrive quelquefois à la télévision de l'être. Picasso. Ah, je le connais pas du tout. Je crois que je l'ai rencontré deux fois dans ma vie. Je crois que c'est un très grand inventeur de formes, de lignes. Entre nous, je crois tout de même que Michel-Ange, c'était mieux. Mais je crois tout de même qu'il a apporté, lui et d'autres, enfin, une révolution dans la peinture. C'est sûrement un très très grand peintre. Les hippies. Je les connais encore moins que Picasso. Je les vois passer un petit peu dans mon quartier. Ils ont l'air plutôt gentils, plutôt crasseux. Mais je ne sais pas très exactement ce qu'ils veulent. On les voit beaucoup dans la rue Bonaparte, au marché de Bussy, ils ont l'air plutôt très gentils. Maintenant, leur philosophie, d'abord, ils ne sont pas bavards, surtout en s'adressant à des vieux bonshommes de mon âge, mais je ne sais pas très exactement ce qu'ils veulent. Mais enfin, ils ont plutôt l'air bienveillants et paisibles. L'argent. L'argent, mon Dieu, on en a besoin un petit peu. J'essaie d'en avoir le plus possible quand je signe un contrat avec un journal ou avec un publicitaire. Mais je crois que quand on n'en a pas, on peut s'en passer. Il m'est arrivé pendant deux ou trois moments de mon existence de vivre à peu près sans. Et je ne peux pas dire que ça a été les moments les plus malheureux de mon existence. Évidemment, il en faut. Et c'est assez facile de dire des choses comme ce que je viens de dire quand il vous arrive d'en gagner. Mais évidemment, on ne peut pas dire la même chose quand on n'en gagne pas d'habitude. Et je comprends très bien que les gens qui sont systématiquement pas payés protestent véhémentement. La peine de mort. Bon, la peine de mort, bien sûr, je suis contre. La mer, M.E.R. La mer, M.E.R. Ben, j'aime bien la voir, mais j'aime pas y entrer. Ben, j'ai horreur de prendre des bains de mer. Maintenant, là, c'est un peu comme la flambée, et justement pas comme la télévision. C'est qu'elle est, comme disait Valérie, toujours recommencée, et que par ma fenêtre d'Honfleur, on ne voit jamais la même mer. D'abord, elle change avec les heures, elle change avec les marées, elle change avec les mois, elle change avec le ciel, même peut-être avec votre humeur. C'est vraiment comme la flambée, c'est le deuxième spectacle, c'est le spectacle de la journée. La superstition. Oh, bah écoutez, je suis un peu comme Monsieur Homais, je suis contre. Qu'est-ce que vous appelez la superstition, par exemple? Ce sont des gens qui croient à des tas de choses, qui ont peur de tas de choses, qui se méfient des échelles, qui se méfient de toute une série de... Non, là, ce genre de truc, vraiment pas. Je ne pense pas que je vais faire un bon dessin parce que j'ai trouvé un trèfle à quatre feuilles ou qui va être mauvais parce que j'ai été obligé de passer sous une échelle. Là, si c'est ça, vraiment non. Ou qui croient au vendredi 13? Non, absolument pas. C'est-à-dire, j'y crois un petit peu parce que j'ai fait des dessins pour la Loterie Nationale. Et alors, il y a les tranches du vendredi 13. Je peux dire que la superstition m'a apporté en effet d'excellentes commandes de la Loterie Nationale. Il y a les ramoneurs qui sont bénéfiques, je ne sais pas quoi. J'ai fait une série de 12 affiches sur les superstitions, qui sont d'ailleurs généralement assez gentilles. Les tasses de vin. Ah, là, ça, c'est les copains. C'est une admirable organisation publicitaire maintenant, qui fait de la publicité, alors on peut le dire, puisque c'est pour les vins de France, je pense que ça fait passer sur les ondes, n'est-ce pas? Que le vin de France est... une des merveilles que nous exportons, il s'agit particulièrement des vins de Bourgogne, mais je ne pense pas que ça fera de la peine aux Bordelais, étant donné que je bois du Bordeaux sur ordonnance du médecin, enfin, plus exactement les Bordeaux rouges et les Bourgognes blancs, donc il y en a, si vous voulez, pour tout le monde. Mais mes amis sont les amis bourguignons, et j'ai passé mes premiers examens du tas de vins, parce qu'à ce moment-là, on en passait, maintenant, ils sont devenus beaucoup plus coulants, dirons-nous, sur les licences S-Connaissance-Tasse-Devinesse. Mais au début... C'est, je crois, au moment de la libération, il y avait un frère visiteur international qui s'appelait Douarche, qui venait voir si vraiment j'étais digne de comparaître. Enfin, il m'a fait goûter des vins. Évidemment, c'est facile de reconnaître le blanc du rouge. Bon, et puis le vieux du jeune. Mais tout de même, il m'a donné un certain nombre de tuyaux pour reconnaître celui qui était de la côte de Beaune et la côte de Nuy. Celui de la côte de Nuy ayant de la marche, c'est-à-dire c'est un vin, selon l'admirable langage des vignerons, il y a le vin qu'on est obligé de manger avant de l'avaler, c'est-à-dire le vin qui a des particules. Et le vin qui est gouléant, pour employer un autre mot qui n'est pas dans le dictionnaire mais qui est splendide, le vin qui descend directement dans le gosier, qui est plutôt le vin de la côte de Beaune. Ensuite, j'ai connu ces gens, les Rodier, les Févelet, enfin tous ceux qui ont fait cette extraordinaire hiérarchie du tas de vin, qui vous donnent des décorations qui ne valent strictement rien, mais on vient de l'autre bout de la terre pour les recevoir. J'ai vu des gens venir d'Australie, c'est-à-dire exactement des antipodes, pour recevoir cette merveilleuse décoration de chevalier, officier ou grand commandeur du tas de vin, ce ruban rouge et or avec le petit tas de vin au bout, que vous ne trouverez absolument pas chez les marchands de décoration, n'est-ce pas ? C'est strictement canularesque et folklorique. Eh bien, on fait le tour de la terre pour venir recevoir cette décoration. Je trouve que c'est tout de même un bon point pour les vins de France et pour la publicité en général. Le dessin animé. Je souhaiterais beaucoup qu'on puisse en faire en France. Il faut dire que je crois qu'à ce point de vue, on est extrêmement en retard sur les États-Unis et en retard qu'on rattrapera très difficilement. Je pense que c'est extrêmement dommage parce que il y a tout ce qu'il faudrait pour que la France puisse fournir le monde entier de dessins animés. Vous avez d'abord d'excellents dessinateurs, des créateurs de dessins. Mettons dans mes temps historiques de Toulouse-Lautrec à Ciné ou à Barbe ou à mes jeunes confrères de Charlie Hebdo, qui sont d'excellents créateurs de dessins. Et vous avez de très bonnes écoles de dessin où sortent des tas de jeunes gens, surtout des jeunes filles, qui pourraient faire d'excellentes animatrices ou qui pourraient à tous les échelons travailler dans une entreprise de dessin animé. Je crois que, pour employer un terme commercial, les Français seraient parmi les mieux placés pour inonder le marché d'excellents dessins animés. Malheureusement, mon confrère Penet est en train d'en faire un à Rome. Moi, j'en ai eu un faire il y a 10 ans, je l'ai fait faire à Prague. Je ne regrette pas du tout le travail de mes confrères tchèques, mais je trouve très dommage qu'on perde tous ces trésors de création et de technique en France. Et voilà, si un jour le ministre de la Culture avait un petit quart d'heure, eh bien, il pourrait peut-être simplement... C'est une question d'organisation et peut-être au départ de subvention. Le paradis. Le paradis terrestre. Vous voulez dire l'ancien. Parce que l'autre, enfin, j'y crois très mollement. Hein. Et d'ailleurs, je crois que je serais plutôt promis à l'enfer. Alors, le paradis terrestre, je voulais dire celui qui est dépeint admirablement, d'ailleurs aussi dans les premières pages de la Bible, c'est aussi un sujet inépuisable de dessin. C'est tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas ? Le père qui donne à son fils ce merveilleux jardin, puis d'ailleurs, et qui lui dit « tu es là pour l'entretenir et pour le garder ». Il fait venir toutes les bêtes, il lui demande de les nommer, et puis ensuite, comme il s'ennuie et qu'il est dépareillé, enfin, il s'aperçoit que c'est dans le texte de la Bible, n'est-ce pas ? Il voit que l'homme n'avait pas de compagne semblable à lui, alors que le coq avait sa poule, que le bélier avait son, comment ça s'appelle, sa brebis, etc. Il lui fait une femme, et puis ensuite, il y a cette histoire incroyable de cette végétation qui ressemble à Cuba, dont on parlait hein, il y a un moment. Et puis qu'il y a cet arbre qu'il ne faut pas manger, c'est une espèce de truc tout à fait incroyable, mais c'est pas pourquoi l'avoir mis alors s'il ne faut pas y toucher. Et puis alors l'histoire policière de ce démon, comment les a-t-il poussés à manger ce fruit ? Par une campagne de publicité, j'imagine, n'est-ce pas ? Parce qu'ils avaient tous les autres fruits, enfin c'est une histoire extrêmement riche, c'est un drame inépuisable, où on peut écrire, dessiner là-dessus pendant des siècles. Il est bien sûr que j'ai fait l'état de dessin là-dessus et je suis bien loin d'avoir épuisé le sujet, ni même d'en avoir compris l'essence. Mais c'est sûrement un sujet tout à fait passionnant. Marc Chagall. Chagall, je l'ai un petit peu connu il y a fort longtemps, parce que quand j'habitais Auteuil, nous habitions rue Chardon-Lagasse, je crois qu'il habitait la villa de Montmorency, ou par là. Et j'étais très amoureux de sa peinture, je ne le connaissais pas du tout. Et on commençait à gagner un peu d'argent avec les dessins que je faisais dans les journaux, notamment, on m'avait passé une pleine page de dessins dans Marial, je devais avoir 25 ans. C'est la première fois qu'on payait une pleine page, et on m'avait donné de l'argent, je crois que c'était 800 francs. C'est-à-dire que ça ferait à peu près 800 francs maintenant, enfin en comptant nouveaux francs, à peu près, enfin j'en sais rien. Et alors on a longuement réfléchi avec ma femme, parce qu'on n'avait que deux fauteuils. Alors quand venait un visiteur, il fallait que je m'assoie par terre. Et alors on avait longuement hésité, est-ce qu'on va acheter un Chagall, est-ce qu'on va acheter un fauteuil. J'avais pas du tout pensé qu'un Chagall coûtait beaucoup plus qu'un fauteuil, parce que j'avais absolument aucune idée. Alors je me rappelle, j'ai donné un coup de téléphone, je suis tombé sur Ida Chagall. Et alors Chagall m'a reçu extrêmement gentiment, on a bu un verre de vin, on a cassé, il y avait des noisettes, je me rappelle un casse-noisette, ce qu'on appelle un mendiant, vous savez, les raisins de Corinthe. Et puis ensuite, alors il m'a dit, bah, pourquoi venez-vous? Alors j'ai dit, j'ai une grande admiration pour vos tableaux, votre peinture, et bien sûr j'ai pas beaucoup d'argent, mais enfin je vous rachetais un tout petit Chagall. Alors il m'a dit, mais c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est Ida, et puis il est parti. Et alors Ida m'a dit, bah, qu'est-ce que vous avez comme sous? Alors j'ai dit, j'ai 800 francs, enfin le prix de ma page de Marianne. Marqué, c'était dément de vouloir avoir un Chagall contre un Eiffel, si j'ose dire, surtout je dessinais depuis 3 ans. Enfin, c'est une page, remarquez. Enfin, je veux dire contre l'équivalent, puisque tout se traitait bien sûr en sous. Et alors, elle m'a dit, bah, pour ce prix-là, vous pouvez être tout de même extrêmement gentil. Je peux vous donner une litho. Alors elle a ouvert des cartons, mais je voulais un truc pour moi tout seul. Vous comprenez, l'idée qu'il y en avait 200 ou 135 ne me plaisait pas du tout. Et alors parmi les lithos, il y avait un petit dessin, ravissant d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est dans la salle à manger là, où Chagall avait esquissé un couple d'amoureux sur un banc. Il y avait quelques traits, mais ravissants, parce que tout ce qui sort de ses doigts est tout de même extraordinaire. Et il avait essayé des crayons de couleur. Il y avait un pourpre, un vert et un bleu de nuit. Et j'ai dit, mais j'aime beaucoup mieux ça. Et alors on l'a fait encadrer, je l'ai toujours. Malheureusement, c'était des couleurs qui passent, vous savez, au soleil, des crayons de couleur, à l'aniline. Le pourpre a complètement disparu. Je sais l'endroit où il était, mais il n'y est plus. Le vert a presque disparu. Il reste un petit peu du bleu de nuit. Mais il me reste le merveilleux souvenir d'avoir rencontré Chagall, tout de même, il y a 40 ans. Et d'avoir ce petit dessin de lui. En effet, il n'y en a pas deux comme ça. Le soleil. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, je l'aime mollement. Si vous voulez, bon, aussitôt qu'il est quelque part, mais d'abord, vous voyez bien qu'on habite au nord. Enfin, très franchement, j'ai horreur de ça. Alors, si vous voulez, c'est un peu comme de la mer. Bon, j'aime bien qu'il soit pas loin, mais j'aime bien être éclairé au nord, ne pas avoir dans l'œil. D'ailleurs, je crois que la plupart des gens, vous savez, même quand ils affectent de se dorer au soleil, ils aiment pas tellement ça. Ils se font retirer. Je crois qu'il y a beaucoup de snobisme là-dedans. Ils mettent tout ce qu'il faut pour s'en protéger. Ils vont au soleil, ils mettent des lunettes noires, des chapeaux de paille, ils se collent de la vaseline ou je ne sais quoi pour que le soleil ne morde pas trop. Je ne suis pas tellement sûr qu'il n'y ait pas une grande part de publicité dans l'amour du soleil. La drogue. Ah, j'y ai jamais goûté. À moins que ce soit les médicaments qu'on me donne pour dormir. Enfin, quelques toutes petites pilules, en effet, qui me donnent des nuits plus calmes et plus longues. Enfin, très franchement, j'ai tâté à pas mal de vices, mais pas à celui-là. Le rêve. Malheureusement, secteur que je connais mal. Je voudrais bien pouvoir y plonger et savoir ce qui se passe. Le visage. Ah, ça, j'y crois tout de même beaucoup. Je dis pas que j'en vis, mais enfin, tout de même, les têtes, par exemple, des hommes politiques, c'est un peu notre gagne-pain. Et je dois dire que nous devons beaucoup, beaucoup à nos anciens. Par exemple, dans la mesure où j'arrive à dessiner, je ne sais pas, Pompidou, Giscard d'Estaing, eh bien c'est sûr que Sénèque m'a beaucoup appris. Et même, nous nous voyons quelquefois dans des réunions à l'Académie d'Humour, par exemple, dans d'autres endroits, il me dit, votre Giscard n'est pas bon parce que c'est comme ça, et puis le menton ne s'attache pas là, et jamais vous ne faites attention à la place de l'oreille, et c'est extrêmement important si l'oreille est là ou là. Et Sénèque lui-même devait beaucoup agacier, et c'est en fin de compte extrêmement difficile, si vous voulez, en quelques traits, de faire quelqu'un qui ressemble, ou du moins qu'on reconnaisse. Et j'ai 10 confrères, pour pas dire 100, qui font ça beaucoup mieux que moi. Aragon. Aragon, il y a assez longtemps que je ne l'ai pas vu. Ben, c'était mon patron aux lettres françaises, où j'ai beaucoup travaillé. C'était mon patron aussi à Ce Soir, un journal du soir qui a disparu. C'est un très grand écrivain et un grand poète. Je l'ai un peu vu, enfin tout de même, j'ai même beaucoup vu à un moment, Elsa et lui. Et j'ai pour lui beaucoup d'estime et je l'aime beaucoup. L'arbre. L'arbre ? L'arbre. En effet, j'ai pensé que dans ma vie, il y avait eu tel marronnier. Bon, le marronnier du jardin de mon père à Tismons. Il y avait l'acacia, il y avait le sorbier, nous l'appelions comme ça. Mais il s'agissait de cet acacia, de ce marronnier, de ce sorbier. Alors, en effet, il y a des arbres avec qui j'ai vécu au moins autant qu'avec mes frères et sœurs. Et c'est cet arbre. Et surtout qu'ils vieillissent beaucoup plus lentement que vous. Vous les retrouvez 10 ans après à peu près semblables. Le sorbier, l'acacia, le tamaris qui poussait tout de travers et sur lequel on grimpait comme des petits singes. Bon, il y avait le noyer, on les appelait le parce qu'il n'y en avait qu'un dans le jardin. Le jardin avait été planté par un espèce de fou, enfin pas de fou si vous voulez, de maniaque ou de collectionneur qui voulait un arbre de chaque espèce. D'habitude on fait des massifs, vous savez, bon, il y a, je ne sais quoi, on met des marronniers ou des châtaigniers. Il y avait un sorbier, un noyer, un tamaris, un acacia, un platane, un if, un cèdre. Alors, c'était un espèce de petit jardin botanique, le jardin de mon père, avec un jardin de chaque espèce. Comme nous aurions eu un chien, un chat, un serin, un écureuil, etc. C'est un jardin comme ça, très bizarre, de collectionneurs. Alors, en effet, si vous voulez, je connais quelques arbres. La peur. La peur. Ah ben, j'ai eu très peur, plusieurs fois. Enfin, qui n'a pas eu peur ? Il y a d'abord probablement les terreurs nocturnes des gosses. Quand mon père m'envoyait chercher une bouteille de vin dans le cellier, justement dans le jardin à Tismons, qui était séparé de la maison, et qu'il fallait traverser le noir, la nuit, enfin, j'ai eu des peurs épouvantables, absolument inexplicables. Je pense que ça doit arriver à beaucoup d'enfants. Alors la vraie peur, bah oui. Alors mettons pendant la guerre, à Dunkerque, enfin, j'ai vu un avion descendre sur moi pour lâcher ses bombes sur moi. J'étais tout seul. S'amuser, vous comprenez, comment tirer un lapin. J'ai entendu le bruit de la trappe qui s'ouvrait. J'ai vu les 3 petites bombes, qu'on appelle des bombes élégamment, des bombes pour personnel, pour tuer les gens. J'ai vu les 3 petites bombes tomber. C'était admirablement visé d'ailleurs, puisque j'étais au centre d'un triangle. Les 3 sommets étant occupés par 3 trous, j'ai senti la chaleur. Enfin, je crois que jamais j'ai eu aussi peur de ma vie. Par exemple, bon, j'ai été coulé en mer aussi, après Dunkerque. Bon, le bateau dans lequel j'étais, le Prague, a été torpillé par les avions. Enfin, a été coulé par les avions, on a sombré dans la mer. Enfin, il y a vraiment des moments où j'ai eu peur. Mais alors, je crois qu'on ne peut pas avoir peur très longtemps. C'est-à-dire, bon, la bataille du Nord, où j'étais engagé comme sous-officier de cavalerie, a duré pratiquement 3 semaines. On ne peut pas avoir peur 3 semaines. On peut avoir peur 3 quarts d'heure. Puis ensuite, ce n'est pas possible. C'est un sentiment insupportable. Ensuite, on n'a plus peur. Qu'est-ce que vous voulez ? Bon, ça continue. Mais on recommence à avoir peur. Mais je crois que j'ai eu très peur. La musique. Ah ben, je suis honteux, mais je n'aime pas beaucoup ça. Alors, j'en ai fait de force, on m'a fait faire 10 ans de piano à contre-cœur et 5 ans de violoncelle. J'ai torturé un malheureux violoncelle, j'ai torturé un piano, et aussitôt que j'ai pu ne plus en faire, j'ai cessé. Enfin, c'est à peu près au moment du bachot, parce que c'était pas possible de désobéir à mes parents. Alors c'était vraiment un supplice pour moi. Enfin, et puis 1 heure par jour de chaque. Et puis encore divisé, subdivisé, n'est-ce pas, l'heure de piano, il y avait un quart d'heure de gamme, un quart d'heure de Czerny, un quart d'heure de Le Coupet, un quart d'heure de Solatine. Le quart d'heure de gamme était divisé en 5 minutes de... Enfin, c'était vraiment les travaux forcés, de gamme du poignet, de gamme entière. Enfin, je ne crois pas qu'on ait pu enseigner la musique d'une façon plus propre à vous en dégoûter pour la vie. En tout cas, ils ont réussi. Les saints. Lesquels ? C'est une question d'orthographe. Non, je trouve que c'est un des charmes de la femme les plus évidents. Et que... C'est ça que vous voulez dire. Ah bon, vous me laissez absolument libre. Je trouve que c'est extrêmement charmant et qu'un homme qui n'a pas envie de toucher une paire de seins, c'est pas un homme normal. Bon, maintenant, quant aux autres, mon Dieu, je les respecte, mais je ne les envie pas. Justement, dans la mesure, si vous voulez, où ils auraient eu tort de s'occuper de l'autre sorte d'orthographe. L'essentiel. Ça, vraiment, je ne sais pas. La mort. Je crois que c'est la seule chose à peu près certaine. Enfin, même sûrement certaine. Je crois qu'il y a longtemps que j'aurais dû être mort. Enfin, d'après les statistiques et la longévité de ma famille, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ceux qui s'y attendent pas ou qui la redoutent ne sont vraiment pas des gens sérieux. Dernière question, Dieu le Père. Il n'a pas de cheveux, il devrait ressembler à mes dessins. Je lui fais assez de publicité pour que s'il existe, il ait un tout petit peu d'indulgence pour moi quand j'arriverai sur le seuil de son paradis avec des dessins de toutes sortes et de toutes orthographes des deux côtés. C'était Jean Eiffel au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 5 avril 1972 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.